Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qui donc était Georges au milieu des années 70? Et qui était Angelina? Georges et Angelina formaient un beau couple. Le 10 juin 1975, Nicolas Strotsky proposait sur France Culture une série intitulée « Mes amis, les loups ». Voici le deuxième volet de cette série, « La famille chez les animaux », où l'on en saura également plus sur Oncle Albert. Farley Mowat, qui est biologiste et zoologue, a été chargé par les autorités canadiennes d'étudier le comportement des loups pour préciser leur degré de nuisance en vue de leur destruction. Sur les bases d'une première enquête menée auprès des trappeurs, ces animaux passaient pour être sanguinaires, prédateurs et tueurs de caribous, dont le nombre diminue dangereusement. Farley Mowat, transporté par avion dans la région de Barren, c'est au nord-est du Canada, y est laissé seul. Il n'a pour voisin que deux Esquimaux, Mike et Ootek. Ils vont l'aider à découvrir le vrai visage des loups. Dans cette quête de la vérité, vous suivrez Farley Mowat, incarné par Michel Galabru. Le récit, tendre et ironique, tiré du livre « Mes amis les loups », publié par Artaud, est ensuite commenté par le professeur Rémi Chauvin, qui élargit le débat et parle de manière plus générale des secrets du comportement animal. Après avoir découvert la notion de territoire animal, nous faisons aujourd'hui connaissance des étonnantes structures familiales des loups. À mesure que je me familiarisais avec leur vie quotidienne, je trouvais de plus en plus difficile de garder une attitude impersonnelle à l'égard des loups. Malgré toute ma ferme volonté d'essayer de les considérer uniquement sur le plan de l'objectivité scientifique, je ne pouvais résister à l'impact de leur personnalité individuelle. Comme ils me rappelaient irrésistiblement certains gentlemen couronnés pour lesquels j'avais travaillé en qualité de simple soldat durant la guerre, je me mis à appeler le père de famille Georges, bien que dans mes carnets de notes il fût toujours identifié avec austérité simplement comme loup A. Georges était une bête puissante et royale d'attitude, dont la fourrure était d'un blanc argenté. Il était d'un tiers plus grand que sa compagne, mais il n'avait pas besoin de cela pour affirmer sa supériorité et sa maîtrise. Georges avait de la présence. Sa dignité était inattaquable, et cependant, il n'était aucunement hautain. Indulgent aux fautes, plein d'attention pour les siens, affectueux, sans exubérance exagérée, il était le genre de père dont l'image idéalisée apparaît dans de nombreux livres au sujet des humains, avec l'ambition de peindre un personnage dont le prototype réel a rarement foulé la terre sur ses deux jambes. Georges était en deux mots le genre de père que tout fils souhaiterait avoir. Son épouse était également mémorable. C'était une mince louve presque blanche, avec un épais collier autour de la face, avec ses yeux largement écartée et un peu oblique, elle avait l'air assez coquin, belle, spontanée, passionnée et démoniaque lorsqu'elle en avait envie. Elle n'avait rien du portrait robot de la mère de famille. Pourtant, on n'aurait pu en trouver de meilleur nulle part. je l'appelai Angelina. Je n'ai encore pu trouver aucune trace de l'origine de ce nom dans les méandres obscurs de mon subconscient. Je respectais et j'aimais beaucoup Georges, mais j'étais devenu profondément amoureux d'Angelina. Je vis encore dans l'espoir de trouver quelque part une femelle humaine qui incarne toutes ses vertus. Georges et Angelina semblaient un couple aussi parfaitement assorti qu'on puisse le souhaiter. Autant que je puisse en juger, ils ne se querellaient jamais et la joie avec laquelle ils se saluaient après une courte séparation n'était pas feinte. Ils étaient très affectueux l'un pour l'autre, mais, hélas, les nombreuses pages de mes carnets de notes que j'avais réservées dans l'espoir d'y inscrire des commentaires détaillés sur les activités et le comportement sexuel des loups restèrent obstinément blanches aussi longtemps que je bornais mes préoccupations à Georges et à Angelina. Mon attente à ce sujet ayant été vaine, je découvris que l'amour physique n'existe dans la vie d'un couple de loups que pendant une période de 2 à 3 semaines au début du printemps et habituellement en mars. Les louves vierges, elles le sont toutes jusqu'à l'âge de 2 ans, s'accouplent, mais à la différence des chiennes qui ont adopté beaucoup des mœurs de leurs maîtres humains, les louves ne s'accouplent qu'avec un seul mâle, et ce pour la vie. Alors que la formule rituelle « jusqu'à ce que la mort nous sépare » est une des dérisions du mariage pour une large part de la race humaine, elle est, pour les loups, un fait tout simple. Les loups sont donc strictement monogames, et bien que je ne considère pas cela nécessairement comme un trait admirable, cela rectifie quelque peu l'hypocrite réputation de promiscuité débridée dont nous avons taxé ces animaux. Je n'aurais pu savoir avec exactitude depuis combien de temps Georges et Angelina étaient en ménage si je n'avais appris de Mike qu'ils vivaient ensemble depuis 5 ans au moins, ce qui correspond à 30 années de la vie humaine. Mike et les Esquimaux considéraient les loups de leur région comme des individualités familières. Et les Esquimaux, à l'exception de Mike, tenaient les loups en si haute estime qu'ils n'auraient pas songé à les tuer ou à commettre une injustice à leur égard. En somme, non seulement Georges et Angelina, ainsi que d'autres membres de leur famille, étaient bien connus des Esquimaux, mais le site de leur tanière avait été localisé par ces derniers depuis quelques 40 ou 50 années, durant lesquelles des générations de loups y avaient élevé leurs petits. Un des facteurs concernant cette organisation familiale fut longtemps un mystère à mes yeux. Au cours de ma première visite à la tanière, j'avais vu 3 loups adultes et au cours de mes premières observations, j'avais aperçu le loup supplémentaire à plusieurs reprises. Il me posait une énigme apparemment insoluble. Je pouvais en effet accepter l'idée d'un groupe domestique fermé, composé du couple, mâle et femelle, et d'une portée de petits, mais je n'étais pas assez avancé dans le monde des loups pour m'expliquer l'apparente existence de l'éternel triangle. Quel qu'il fût, ce 3e loup était indiscutablement un personnage. Il était plus petit que Georges, moins souple et moins vigoureux, avec une chape grise sur sa fourrure blanche. Lorsque je l'eus vu pour la première fois avec les louveteaux, il devint pour moi oncle Albert. Au 6e matin de ma veille, l'aube apparut, puis le soleil. Angelina et les petits profitaient du beau temps. Le disque solaire venait tout juste d'apparaître, à 3 heures du matin, lorsqu'ils quittèrent tous ensemble la tanière et se dirigèrent vers un monticule sableux des environs. Là, les petits se jetèrent sur leur mère avec un enthousiasme qui aurait certainement conduit n'importe quelle femelle humaine au bord de l'hystérie. Ils avaient faim et ils étaient infernaux du bout du museau à celui de la queue. Deux d'entre eux firent de leur mieux pour mâcher celle d'Angelina. Ils tiraient dessus et la traitaient si brutalement que je voyais le poil voler. Bientôt, elle abandonna. À bout de patience, elle bondit loin de ses petits et courut jusqu'au sommet d'une crête sableuse derrière la tanière. Les quatre petits coururent joyeusement à sa poursuite, mais avant qu'ils l'eussent rejointe, elle lança un cri très particulier. La question des communications entre les loups devait m'intriguer de plus en plus à mesure que le temps passait. Mais à ce moment-là, je travaillais encore dans l'illusion que les communications complexes n'existaient pas chez les animaux. Je ne pouvais rien tirer de définitif du petit hurlement au fossé aigrelé d'Angelina, sauf de lui trouver un caractère plaintif qui lui valut toute ma sympathie. Je n'étais pas le seul. Quelques secondes après, son espèce de cri du cœur, et avant que la horde des louveteaux ait pu la rattraper, un sauveur apparut. C'était le troisième loup. Il avait dormi dans un gîte creusé dans le sable de l'escarpement à l'extrémité sud, là où il disparaissait sous les eaux de la baie. J'avais ignoré sa présence là-bas jusqu'à l'instant où je vis sa tête se dresser. Il se leva d'un bond, secoua le sable de sa fourrure et courut vers la tanière. Il intercepta la troupe des louveteaux au moment où ils se préparaient à gravir la dernière pente pour rejoindre leur mère. Je fus fasciné de voir la façon dont il se servait de son épaule pour faire rouler sur le dos le meneur de la bande et l'envoyer dégringoler d'une glissade jusqu'à la tanière. Il avait une patience étonnante. Il attendit que les louveteaux fussent complètement épuisés et somnolents avant de se relever. Il fit attention, en se dégageant, de ne pas marcher sur les corps étendus. Il s'installa au sommet du monticule Nursery et commença un sommeil de loup en jetant de temps à autre un rapide coup d'œil sur les louveteaux pour s'assurer de leur présence à portée. Je ne savais pas encore avec certitude quelles étaient ses relations avec le reste de la famille, mais en ce qui me concernait, il était devenu et devait rester le vieil oncle Albert. La notion de famille chez les animaux, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le loup est monogame. Est-ce que c'est courant ? Non, chez les mammifères, c'est pas très fréquent, mais on peut citer quand même le cas du castor, qui est monogame, et le cas des gibbons, qui sont monogames également. On ne sait pas si ça dure très longtemps, mais en tout cas, ils sont monogames. Alors que chez la majorité des singes, la polygamie est la règle. Chez les oiseaux, vous avez des animaux qui sont monogames pour toute la vie. Et puis, j'en avais d'autres qui sont complètement polygames, par contre. Tous les cas peuvent se présenter. Et est-ce que l'on peut expliquer pourquoi ? Quel est le mécanisme, en quelque sorte ? Je ne crois pas que nous disposions des explications. Chez les gibbons, ça tient à leur mode de vie. Ils vivent par famille isolée. Il y a le père, la mère et le jeune de l'année. Alors, par la force des choses, ils sont monogames parce qu'il y a très peu de gibbons à proximité, en quelque sorte. Tout au moins, je l'imagine. Chez les macaques ou chez les babouins, on vit en très grande troupe, au contraire. Alors la polygamie ne présente aucune difficulté, puisqu'il y a toujours une femelle qui est en estrus et qui est prête à l'accouplement. Chez les castors, c'est un peu la même chose. Beaucoup de castors vivent également en famille isolée. Alors ça expliquerait pour quelles raisons il y a monogamie. En somme, il y a papa, maman et puis les enfants. C'est ça. Mais il y a des oiseaux qui vivent en troupe et qui cependant sont monogames. Il n'y a pas qu'une exception, c'est assez fréquent. Il y a toute une série de cas qu'on connaît. Par exemple, une oie qu'avait étudié Lorenz, une oie grise du Canada, si mes souvenirs sont exacts, il était monogame. Et même Lorenz a été très déçu parce que la femelle est partie un jour, alors qu'elle n'aurait pas dû si elle avait lu le livre de Lorenz, avec un mâle d'une autre espèce que la sienne, ce qui est horrible. Et ce qui n'était pas normal. Pas normal, le moins du monde. Pas normal du tout. Mais alors, pour en revenir au loup, il est assez étonnant de voir qu'il y a le mari, la femme Et puis, il y a également un loup qui est un mâle, mais qui ne joue aucun rôle dans la société. Ah oui, et même quelquefois, il y en a plusieurs, il peut y en avoir plusieurs, qui sont des jeunes mâles ou des jeunes femelles et qui ne s'accouplent pas, c'est tout à fait extraordinaire. Tous les petits naissent du couple paternel et maternel initial. Pendant un certain temps, on n'a pas cru cette affaire, on a dit, ce sont des légendes de chasseurs. Mais il semble bien, au vu des observations des naturalistes, que ce soit évident. Or, je crois bien que c'est un exemple unique. Jusqu'à présent, tout au moins, c'est sûrement un exemple unique de mammifères qui restent complètement dominés au point de ne pas s'accoupler, qui cependant sont coopérants. Le proverbe est bien véritable, les loups ne se mangent pas entre eux, n'est-ce pas ? Ils s'entendent au contraire très bien. Alors que ça se passe comme cela, c'est vraiment propre aux loups. Mais alors ça pose le problème du dominé et du dominant. Comment est-ce que ça se pratique en général ? Eh bien, écoutez, cela c'est un problème qui est le casse-tête de l'éthologie, de la science du comportement des animaux. Si l'on se rapporte aux schémas qui ont régné jusqu'à présent, eh bien ma foi, la dominance c'était quelque chose d'extrêmement simple. Il y avait un despote, au-dessous de lui il y avait un animal qu'on appelait bêta, le despote ayant un doigt au nom d'alpha, et l'animal bêta ne pouvait pas attaquer l'animal alpha, mais par contre, il pouvait libéralement attaquer tous les autres. Et puis, il y avait l'animal gamma, qui ne pouvait attaquer ni alpha ni bêta, mais qui attaquait tous les autres, etc., etc. Et enfin, l'animal oméga, au bas de la hiérarchie, qui était attaqué par tout le monde, et quelquefois jusqu'à la mort. N'est-ce pas ? Alors ça, tout le monde adhérait à ce schéma jusqu'à il y a très peu de temps. Et puis, les observations des naturalistes dans la nature, dans pleine nature, et non pas au laboratoire, ont montré sans doute qu'il fallait beaucoup réviser ce schéma. Certains ont été jusqu'à dire que la dominance était un artifice de laboratoire. Il ne faut pas aller jusque-là, mais tout de même, on peut dire que ce qui est important dans la nature, ce n'est pas la dominance, c'est le territoire. Si vous êtes sur votre territoire, vous êtes dominant, un point c'est tout. Et si vous êtes en dehors de votre territoire, vous êtes dominé, terminé, voyez-vous ? Et d'ailleurs, on retrouve quand même le schéma de la dominance, on le retrouve dans les animaux sociaux, dans les animaux qui vivent en troupe, n'est-ce pas ? Lorsque l'animal n'est pas solitaire, lorsqu'il vit autrement qu'en couple, il y a forcément tout de même, alors là, des dominances et des dominés. Et on le voit très bien chez les macaques. Donc la dominance, ce n'est pas purement un artifice de laboratoire, voyez-vous ? Chez les macaques, ça c'est tout à fait spécial. Vous ne savez peut-être pas que les Japonais ont étudié depuis très longtemps les macaques dans des petites îles du sud du Japon avec un soin absolument extraordinaire, avec un grand renfort d'observateurs. Il y avait des centaines d'observateurs, je crois, qui se sont succédés pendant une vingtaine d'années et qui ça dure encore d'ailleurs. Et ils regardaient les macaques de tous leurs yeux avec de bonnes jumelles où était l'objectif et sans interférer. C'était des macaques en liberté, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, au bout d'un certain temps, quand on fait cela, il faut savoir qu'on arrive à connaître individuellement les animaux. Vous savez qu'un berger finit par connaître individuellement un troupeau de 50 à 100 bêtes, alors que vous autres, vous êtes absolument incapables, parce que vous n'êtes pas berger, de distinguer une brebis d'une autre. Eh bien, dans le cas des singes, c'est pareil, on arrive à les distinguer. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des choses très étranges. Il n'y a absolument pas de monogamie, ils sont extrêmement polygames, au contraire. Mais on peut assez facilement établir qui est la mère de tel ou tel singe. Le père d'un singe, ça c'est plus compliqué à voir. Mais la mère d'un singe, on sait tout de même bien, quand on les a suivis individuellement et sans interruption, qu'un tel est né d'une telle. Alors, les observateurs japonais ont compté les copulations. Et ils se sont aperçus que jamais un singe ne copule avec sa mère. Même 3 ou 4 ans plus tard, après sa naissance, quand il y a 3 ou 4 ans, le singe est adulte, enfin pratiquement adulte, il pourrait se reproduire, et il s'accouple libéralement, mais jamais avec sa mère. On a appelé ça, d'une phrase peut-être un peu ambitieuse, le tabou de l'inceste. L'inceste, vous savez, c'est un mot qui s'applique plutôt au code moral humain, le code moral des macaques, je ne sais pas s'il existe, mais il est quand même assez libéral. Mais là, c'est tellement rigide que lorsqu'il y a des révolutions de palais, parce qu'il y a des révolutions de palais chez les macaques, quelques jeunes mâles s'unissent alors pour déboulonner le vieux chef du troupeau qui est quelquefois au pouvoir depuis 13 ou 14 ans, un double septennat si j'ose l'exprimer ainsi, n'est-ce pas ? Mais pour le déboulonner, c'est extrêmement simple, ils vont s'asseoir en face du président, je veux dire de l'empereur des macaques, et ils le regardent fixement dans les yeux. Ça gêne ? C'est une horrible menace. Mais écoutez, Asseyez-vous à quelques centimètres de quelqu'un dans le métro et regardez-le dans les yeux. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous êtes un primate, mon cher, comme je le suis moi-même, et vous savez bien que se regarder droit dans les yeux, c'est une menace. Chez les singes, c'est exactement pareil. Alors le vieux, révolté par une telle audace de la part de la jeune génération, s'en va, en emmenant quelques femelles et quelques jeunes. Il forme une nouvelle troupe. Alors, le plus audacieux des conjurés, des révolutionnaires, va devenir le chef. Mais s'il est encore assez jeune, comme les macaques vivent facilement une trentaine d'années, sa mère est probablement dans le troupeau. Par conséquent, étant le chef, il va avoir droit à toutes les femelles du troupeau, et qui revendiquent d'ailleurs le droit aux embrassements du chef, et notamment sa mère. Alors là, ça ne marche plus, là. Ah non, non. Il va dans ce cas-là quitter le troupeau plutôt que de copuler avec sa mère, en emmenant à son tour quelques jeunes femelles, quelques mâles de ses amis. Et c'est un autre qui n'a pas sa mère dans le troupeau qui va prendre le pouvoir. Alors, le plus étonnant, c'est que Lorenz avait trouvé des phénomènes tout à fait analogues avec les oies. C'est Edda Gabler qui a trouvé cela. Lorenz étudiait les oies exactement comme les Japonais étudiaient les macaques. C'est-à-dire que pendant des jours, des mois et des années, je les ai vus faire, n'est-ce pas, des jeunes observateurs se relayaient pour observer à la jumelle ou à la longue vue, un troupeau d'oies qui vivait librement dans le grand parc du laboratoire de Zeewezen, où se trouvait Lorenz. Eh bien, on compte tous les accouplements, on sait quart d'heure par quart d'heure ce qu'ils font jour et nuit. Parce que c'était et tous les gestes aussi. Et tous les gestes, absolument tout. Alors, ces oies sont baguées, c'est très facile de les baguer, on leur fait manger un appât avec un anesthésique, on peut les baguer commodément, c'est bien plus commode que pour les singes, n'est-ce pas ? Donc, on les connaît avec l'extrême précision. Eh bien, le jeune mâle ne copule pas avec sa mère non plus, absolument pas. Il est certain que la femelle est le premier animal dominant que trouve le jeune, puisque c'est le premier animal qui lui donne une fessée ou qui lui administre une correction si par hasard il s'est mal conduit, d'autant plus qu'un certain nombre de mères singes sont extrêmement peu permissives. Elles ont une tendance à frapper leur rejeton très violemment et à plusieurs reprises. Alors, comme la dominance régit également lors des accouplements, eh bien le premier animal qui vous a dominé, on ne s'accouple pas avec lui. C'est peut-être pour ça. Comment est-ce que l'on peut, soit par tout simplement une sorte de geste, de posture, imposer sa volonté et être dominant, c'est-à-dire jouer dans une famille le rôle que vous confère cette puissance. Et ça, c'est très important. On croyait jadis, avant la naissance de l'éthologie moderne, que la dominance se réglait à la suite de combats extrêmement violents. On se battait, c'est le plus fort qui l'emportait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence physique, mais ces violences physiques sont en réalité assez rares. En réalité, tout est hautement ritualisé, comme chez les macaques dont je parlais tout à l'heure, les jeunes qui veulent faire la révolution ne tapent pas sur le vieux monarque. Tout simplement, ils sont en face de lui et ils regardent dans les yeux. C'est une violence qui, pour lui, est intolérable, mais on ne peut pas dire qu'elle soit physique, c'est une violence morale presque, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est-ce pas ? Eh bien, chez beaucoup d'animaux, c'est ainsi. Les gestes de menace sont hautement ritualisés et il est relativement rare que ça aille jusqu'aux violences physiques. On raconte que les loups, lorsqu'ils se battent sans se mordre jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'un d'eux a la suprématie et l'autre l'accepte. Écoutez, le combat, non seulement chez les loups, mais chez tous les animaux, il est hautement ritualisé. Et par exemple, lorsque les lions se battent, cela fait un charivari absolument effroyable, il y a un accompagnement de cris terribles qui glace le sang de tous les animaux de la brousse, eh bien, je dois vous dire que c'est du cinéma. En ce sens qu'ils se mordent bien, mais jamais dans les zones qui entraîneraient une mort rapide, par exemple, ils ne s'ouvrent pas le ventre d'un coup de griffe. Et les coups de griffe et les coups de dents se rencontrent sur les épaules où la peau est spécialement épaisse et il se trouve en dessous une grosse épaisseur de lard, de graisse, qui empêche les blessures d'être mortelles. Comment le sait-on ? Ben, très simplement, les marchands de peau de lion, ils n'aiment pas tellement les cicatrices qu'ils déprécient la peau. Alors, ils ont tenu des statistiques des peaux dépréciées, et on voit où sont les cicatrices, vous comprenez? Et en plus, lorsque le rival est vaincu, on le laisse s'enfuir. Voyez-vous, l'homme est le seul animal qui poursuive ses rivaux jusqu'à la mort, jusqu'à les tuer. C'est extraordinairement rare dans le règne animal, et c'est un objet de perplexité pour tous les éthologistes que de penser que l'homme est méchant à ce point-là. Les structures sociales, c'est très compliqué parce que c'est un cas d'espèce. Il ne faut pas croire, par exemple, que tous les singes ont la même structure sociale. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup moins rigide chez les chimpanzés que chez les macaques. Chez les gorilles, il y a Schaller qui s'est fait accepter par une troupe de gorilles. Je peux donner la recette aux auditeurs et j'ai confiance qu'elle sera appliquée par un très petit nombre d'entre eux. Lorsque vous voulez vous faire accepter par une bande de gorilles, vous approchez à pas de loup de la horde. Et à ce moment-là, un vieux mâle qui pèse dans les 250 ou 300 kilos s'aperçoit qu'il y a quelque chose de louche et vient vous garder sous le nez. Vous devez à ce moment-là garder un maintien modeste et les yeux baissés. Parce que si vous levez les yeux, il pourrait se vexer. C'est une insupportable injure et il pourrait vous administrer une gifle. Une gifle de gorille, ça fait rouler la tête hors des épaules à quelques mètres, n'est-ce pas? Je vous engage donc, encore une fois, à prendre un air quelque peu emprunté, ça vaudra mieux. Ne prenez pas la fuite, ça serait très mal jugé. Si vous arrivez à tenir la pause pendant quelques minutes qui paraissent longues, dit Schaller, n'est-ce pas, vous êtes accepté, vous faites tout ce que vous voulez. Les gorilles sont terriblement impressionnants, mais absolument pas agressifs. Alors que les chimpanzés ont parfois des idées véritablement effroyables, surtout qu'on ne sait pas pourquoi la force physique d'un chimpanzé dépasse celle de 3 ou 4 hommes. Et Miss Goodall, quand elle s'est fait accepter par une bande de chimpanzés, elle a pris un risque effroyable. Parce qu'il y a une photo touchante où ça a été photographié en train d'épouiller un vieux mâle qui, peu de temps après, va lui rendre le même service. Ben, c'est très bien, mais le vieux mâle pouvait l'étrangler d'une main. Alors, dans le cas du gorille, la structure sociale, s'il y en a une, pour en venir à notre sujet, elle est vraiment très large, vous savez. La dominance, qu'est-ce que c'est? Chez un gorille, on se le demande. Tout se borne à des clins d'yeux furtifs. Même au point de vue de l'accouplement, chez les macaques, une femelle n'a absolument pas le droit de se faire couvrir par d'autres animaux que son propriétaire légitime, surtout si le propriétaire, c'est le patron. Mais chez les gorilles, par contre, le patriarche de la tribu, le patron, peut très bien voir sa femelle préférée couverte sous ses yeux par un autre mâle. Il n'arrivera absolument rien. Donc il faut se garder de supposer que la structure sociale est la même chez toutes les espèces de singes. Elle est au contraire très différente. Comment ça se passe chez les insectes? Ah, c'est une autre histoire, ça. Voyez-vous, on emploie le même terme, et on a peut-être tort, de société à propos des oiseaux, à propos des mammifères et à propos des insectes. Or, une société d'insectes, je mets société entre guillemets en quelque sorte, c'est autre chose. La plupart des spécialistes des insectes sociaux dont je suis ont tendance à admettre qu'il ne s'agit pas réellement d'une société, qu'il s'agirait, si vous voulez, d'un super-organisme. Et imaginez que les cellules de notre corps ou les cellules de notre cerveau, ce serait peut-être une comparaison plus juste, aient des petites pattes, qu'elles puissent aller se promener dans tous les coins de l'appartement, mais se réunir entre elles simplement dans les grandes occasions quand une décision doit être prise ou un problème traité. Eh bien, vous auriez, ma parole, une image assez exacte de la société d'insectes, n'est-ce pas? Il y a une intégration dans la société d'insectes de l'individu dans la société infiniment plus forte que dans le cas des mammifères ou des oiseaux. Intégration si forte que la fourmi isolée ou l'abeille isolée ne peut pas vivre longtemps. Malgré qu'elle mange et qu'elle boive normalement, elle meurt très rapidement, comme si lui manquait une substance, une hormone, que sais-je encore, qu'elle ne trouve qu'à l'état groupé. Et vous voyez que nous avons là un tableau tout de même très différent du loup. Moi, je répugnerais pour ma part à faire des comparaisons trop précises. Mais alors, en dehors des oiseaux et des mammifères, quelles sont les espèces qui est une famille? Bien, je crois qu'il faudrait que nous en tenions aux oiseaux et aux mammifères. Ailleurs, je ne vois pas bien. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples. C'était « Mes amis les loups », deuxième émission d'une série de 6 par Nicolas Strotsky, qui s'entretenait avec Rémi Chauvin, professeur à la faculté des sciences de Nancy, « La famille chez les animaux », texte de Farley Mowat, lu par Michel Galabru. Réalisation au Collège chez Mama, première diffusion sur France Culture le 10 juin 1975. Prochain rendez-vous, l'alimentation chez les animaux. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».